Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que nous montrent les monstres ? C'est un monstre qui n'a jamais entendu cette phrase, au cours d'un procès d'assises ou lors d'un fait divers, ou même au tribunal de l'histoire. Souvent, c'est une manière d'évacuer le sujet, de le classer dans l'inclassable. Il y a là comme une commodité pour ne pas voir ce que le monstre nous montre. Car le monstre, c'est justement celui qui montre. Du moins, l'association vient-elle immédiatement à l'esprit. Mais étymologiquement, le monstre est moins celui qui montre, du verbe latin monere, que celui qui avertit, qui met en garde. Mais de quoi ou contre quoi? C'est tout le problème. Le monstre nous alerte sur des dangers qui ne sont pas si loin de nous, quelquefois en nous. Pour évoquer ces dangers, dévoiler leur nature, j'ai invité Laurent Lemire. Bonjour Laurent Lemire. Bonjour. Vous êtes journaliste au Nouvel Observateur et à Livre Hebdo et vous publiez « Monstres et monstruosités », ouvrage dont je viens de lire les premières lignes. C'est pas votre premier livre, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages déjà sur Marie Curie, sur Albert Einstein, sur Alan Turing, sur André Malraux, qui sont à des titres divers ce qu'on appelle des génies. Est-ce que c'est à force de vous intéresser aux génies que vous avez eu l'idée de vous intéresser aux monstres? Est-ce que les génies sont des monstres? Sans doute un peu, et vous avez raison, la pente est un peu normale et logique entre le fait que je me suis intéressé à des personnages rares, exceptionnels, et à des créatures qui, elles aussi, sont exceptionnelles, sont rares, et qui apparaissent au long de l'histoire. Moi, ce que j'ai souhaité, en fait, dans cette enquête, c'est de voir comment se fait la bascule entre le monstre, la créature mythique, après le monstre aujourd'hui, c'est un mot un peu valise, on parlerait aujourd'hui de handicap, mais le monstre humain, et puis cette bascule avec la monstruosité, comme vous le rappeliez, morale. Alors, la monstruosité dont vous parlez dans cet ouvrage, elle peut se situer en plusieurs endroits, dans le corps, mais aussi dans le cerveau, et aussi dans un certain usage de la rationalité, excessif, au contraire insuffisant. Par exemple, vous rappelez la phrase de Adolf Eichmann lors de son procès de 1961, « Je ne suis pas le monstre qu'on a fait de moi, je suis victime d'une erreur de raisonnement. » Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase ? Eh bien, c'est une manière de se dédouaner pour Eichmann et d'expliquer qu'il n'est finalement qu'un rouage d'un système et que c'est ce système qui lui est monstrueux. Lui n'apparaît que comme un fonctionnaire qui s'est contenté de fonctionner et d'obéir aux ordres. Alors on voit très bien qu'il y a là à la fois une monstruosité politique parce que le nazisme en est une, mais il y a aussi le personnage qui ne veut absolument pas voir, ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire et qui se dédouane en disant « je ne fais qu'obéir aux ordres ». Je cite à un moment donné, c'est Karl Popper qui parlait de Sakharov, le grand physicien, qui avant d'être ce personnage humaniste qui a contribué à travailler pour la paix, prix Nobel de la paix, voilà, prix Nobel de la paix, a conçu, avait à l'époque de la guerre froide, travailler sur une torpille géante. Alors bon, il l'a jamais mise au point, mais pour détruire les États-Unis, c'est-à-dire le capitalisme. Donc il y a quelque chose de là aussi de complètement. Mais il se rendait pas compte que c'était monstrueux. Il a fallu qu'on lui dise. Exactement, c'est ça. Et lui-même ne s'en rendait pas compte. Alors, je fais pas de comparaison entre Eichmann et Sakharov, mais à un moment donné, il y a le fait d'obéir, de se dire, voilà, la science et quelques scientifiques peuvent aussi être monstrueux. Donc on peut être monstrueux en agissant de façon qu'on croit normale. Absolument. Alors vous disiez tout à l'heure le monstrueux, c'est ce qui n'est pas normal, ce qui échappe à la normalité, ce qui est extraordinaire. Oui. Mais le mot normal, il interroge davantage qu'il n'instruit. On peut dire qu'est normal ce qui est conforme à la norme. Mais en fonction de ce qu'on entend par norme, normal peut être ce qui est habituel, ce qui se rencontre dans la majorité des cas, ce qui ressemble à la moyenne, ce qui ne sort pas de l'ordinaire ou encore ce qui ne présente ni anomalie ni altération. Et donc c'est la norme qui se trouve derrière le mot normal et la représentation qu'on s'en fait. Et donc en disant de quelqu'un qu'il est normal, on n'explicite pas la norme à laquelle on se réfère, on ne tranche donc pas la question de savoir en quoi consiste le fait d'être normal. La normalité, c'est vrai qu'elle elle est interrogée par la monstruosité, parce que quand on considère, puisque c'est la définition qu'on peut donner du monstre, qui est corporel d'une certaine manière, comme une anomalie, un raté de la nature, qu'est-ce qu'on entend par norme? Et il y a eu des travaux, notamment de Michel Foucault, ses cours au Collège de France sur les anormaux et la normalité, où il expliquait qu'est-ce que nous entendons derrière ce mot de norme. Est-ce que c'est pas non plus quelque chose de très dangereux? Est-ce que ça pose le problème de l'altérité, du regard que l'on pose sur le corps des autres, le corps déformé? Et est-ce que cette monstruosité n'est pas aussi liée à la société elle-même? Il donnait en exemple une femme qui avait manger son enfant, une partie de son enfant, parce qu'elle était très pauvre. Alors, il y a eu un procès, c'était au 19e siècle, et Foucault reprend un peu toute cette histoire, et son analyse, alors un peu marxisante, était que c'est aussi la pauvreté, en l'occurrence, qui a permis, ça n'excuse absolument pas le geste, mais qui a aussi permis ce crime-là. Donc le contexte peut être monstrueux et engendrer absolument, des actes monstrueux. Bien sûr. Mais pendant très très longtemps, c'est ce que vous racontez, on a essayé de trouver une explication au fait qu'il y a des monstres. Et Satan était le premier candidat, je crois, non? L'idée que Satan est le créateur de l'univers tératologique. Oui, et on retrouve ça dans les textes religieux, que ce soit dans la Bible, mais dans le Coran, puisqu'on explique dans le Coran que les monstres sont des anges déchus et qui n'ont pas voulu reconnaître la supériorité divine et faire œuvre d'allégeance à Dieu, donc ils sont considérés comme des monstres. Mais on peut aussi considérer que la monstruosité est le signe d'un mécontentement divin. Oui. Alors, Dieu montre qu'il n'est pas content en fabriquant des monstres. Alors, à l'origine, c'est ça. Ce sont des créatures qui sont envoyées auprès des humains pour les avertir de quelque chose ou les punir. Donc, par cet intermédiaire-là, Dieu vient montrer quelque chose, vient avertir. Et on a, au cours de l'histoire, alors tout ça, sur les monstres, tout ça n'est pas toujours très bien avéré, documenté. Il y a beaucoup de mythologie, mais on explique, les chroniqueurs expliquent que, au cours de l'histoire, certains événements, certaines batailles gagnées par des personnages ont été indiquées d'une certaine manière par le surgissement d'un monstre, d'un enfant difforme quelques mois auparavant. Qui vient faire signe. Exactement, c'est un signe. Signe d'une catastrophe ou non. Alors parmi les chroniqueurs, il y a Chateaubriand, qui n'est pas le moindre, qui dit ceci. Les monstres sont autant d'échantillons fournis par les lois du hasard, lesquels, selon les athées, doivent enfanter l'univers. Et si Dieu permet leur production, c'est afin de nous rappeler ce que devient sans lui la création. Oui, parce Chateaubriand croyait aux monstres, et il pensait que c'était effectivement quelque chose d'important, et que ça avait un sens, parce que seul Dieu peut produire des monstres. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire croire aux monstres ? C'est les monstres de la mythologie, dans ce cas? Dans le cas de Chateaubriand, je pense que c'était, oui, l'idée qu'il existe des créatures qui échappent à la compréhension, qui échappent à à cette normalité, et que ces créatures sont effectivement plutôt créées par Dieu. Je dirais que les plus grands créateurs de monstres, après les dieux, parce qu'il y en a eu beaucoup, sont quand même les artistes, les écrivains. Et on voit bien que au moment où il se produit une sorte de bascule au 19e siècle, au début du 19e siècle, quand Mary Shelley écrit son Frankenstein. C'est-à-dire que là, on a à la fois le scientifique qui se prend pour Dieu et qui va créer un être humain à partir d'un cadavre, donner vie à cette créature. Et le monstre n'est pas forcément que cette créature-là, qui pourrait être un petit peu, même si elle est simplette, elle est assez humaine, il a pas la culture nécessaire, et on voit bien ce qui se passe dans le roman, mais le monstre, c'est aussi le médecin. Pourquoi? Bah parce que justement, il transgresse jusqu'alors une règle qui consistait à dire que seul Dieu peut créer des monstres. Mais depuis quand est-ce que les humains représentent des monstres? Est-ce qu'on a des indications venant des peintures rupestres ou... Alors, ou d'autres sources. Alors, on doit à André Malraux d'avoir repéré le premier monstre dans la grotte de Lascaux, la fameuse scène du puits où on a un être hybride entre l'oiseau et l'homme. Donc, ça remonte à plusieurs milliers d'années. Il y a toujours eu l'idée qu'il existait, notamment avant les grandes découvertes, c'est-à-dire jusqu'à la Renaissance. L'idée qu'il y avait des peuples sur Terre totalement inconnus et qui échappaient à la norme pour le coup, c'est-à-dire à partir de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, on a considéré qu'il y avait quelque part des peuplades avec des gens qui n'avaient qu'un seul pied, les sciapodes, c'est-à-dire qui repliaient ce pied pour se protéger du soleil. D'autres qui... On y croyait vraiment. C'est-à-dire que... Et on invoquait quelque chose. On a toujours ce sont des gravures, c'est-à-dire que ce sont des créations de l'Antiquité qui se sont perpétuées. C'est-à-dire que tout le monde a reproduit par la suite ces gravures de créatures que personne n'avait jamais rencontrées, mais même des gens comme Ambroise Paré, qui était médecin, chirurgien, plutôt, on va dire, rationaliste, a écrit un livre sur les monstres où on trouve toutes ces gravures et il explique comment naissent ces monstres. Alors, lui, dit, il n'en a évidemment jamais vu, mais il dit qu'il considérait que c'était un excès ou un manque de sperme. Voilà, donc, et ça pouvait aussi être une mauvaise intention de la femme, parce que la femme est toujours considérée comme responsable de la naissance d'un enfant anormal. Donc voilà, donc on a des critères moraux sur des créatures que personne n'a jamais vues. Mais les monstres n'apparaissent pas toujours monstrueux. Par exemple, le sphinx, c'est-à-dire oui. Une tête de femme sur un corps de lion. Quand on pense au sphinx, on ne pense pas à un monstre. Non. Parce qu'il y a des créatures qui ne sont pas considérées comme étant des personnages négatifs qui sont là pour nous effrayer ou pour nous détruire. Il y a eu à l'époque gauloise, celtique, ce qu'on appelait des monstres sacrés. C'était des créatures qui étaient vénérées et qui étaient plutôt très positives, très favorables, très généreuses et que pour ceux en qui ils croyaient. Vous connaissez la règle, Laurent Lemire, au bout de quelques minutes d'émission, nous passons un morceau de musique que vous avez choisi, et en l'occurrence, il me plaît beaucoup. J'ai reconnu Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Ah oui, avec grand plaisir. On a parlé du diable, je pense que c'est en relation avec notre sujet. C'est aussi une chanson qui illustre la superposition quantique entre le bien et le mal. On pourrait dire entre Dieu et Satan. Oui, et puis c'est aussi pour quand on écoute bien les paroles de la chanson, c'est le diable qui se présente et qui raconte un peu toutes les histoires et toutes dans lesquelles il a été mêlé. Il a été mêlé. L'assassinat de Kennedy, la mort de Christ, etc. Les Romanov. Oui, les Romanov, ouais. Oui, alors il y a ce qui est d'ailleurs Mick Jagger a raconté que il s'était inspiré de deux choses pour écrire ce chef-d'œuvre. Baudelaire, parce qu'il était assez un grand lecteur de Baudelaire, donc le satanisme, le diable, et Bulgakov, le Maître et Marguerite, qu'il avait lu également, et on retrouve des éléments notamment dans l'introduction. Et l'élaboration de tes chansons a été filmée par Jean-Luc Godard, le film One Plus One. Et vous parlez de Godard à propos des films dans lesquels des monstres sont mis en scène. Et vous dites, Jean-Luc Godard écrit ceci, les vrais films de monstres sont ceux qui ne font pas peur, mais qui après nous rendent monstrueux. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh ben, lui, il prenait comme exemple Grease. C'est-à-dire que on revient à l'idée de la normalité, c'est-à-dire cet excès de normalité ou cette manière un peu consensuelle de filmer pour pouvoir plaire à tout le monde, il y a quelque chose pour lui de monstrueux parce que le cinéma était là. Est toujours là pour lui d'ailleurs, pour apprendre quelque chose, pour nous emmener dans un univers vers lequel on n'aurait pas forcément envie d'aller. Donc c'est toujours le petit coup de pied de l'âne de Godard. Il aime bien voir jouer avec les paradoxes, mais ça correspond assez au cinéma qu'il défend. Que veut dire Laurent Lemire l'expression avoir des monstres sur la table? Ce sont des mets extrêmement extrêmement volumineux. C'est la taille. Mais parce que la taille, c'est vrai que dans ce mot valise, on met beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a quand même un point commun, c'est que le monstre est souvent un être extrêmement grand, énorme. On n'imagine pas des monstres microscopiques. Alors c'était une définition qu'on trouve dans le dictionnaire critique de la langue française de 1787, oui, écrit par l'abbé Jean-François Ferraud, oui, qui dit ceci, on dit qu'on a servi des monstres sur la table pour dire des poissons d'une grandeur extraordinaire. Oui, oui, absolument. Et on parle aussi dans le domaine de la monstruosité et de la grandeur extraordinaire. Aujourd'hui, on ne parle plus de monstres quand on dit qu'on a des objets volumineux dont on veut se débarrasser, on appelle ça des encombrants. Mais longtemps, on appelait, il y avait un service de la ville de Paris, le service des monstres. Et ça, c'était les encombrants. Alors, à propos de Frankenstein que vous citiez tout, oui, à l'heure, on parle de, non pas de monstres, mais de créatures. C'est quoi la différence, en l'occurrence? Ah ben, la créature peut être monstrueuse. Mais pas forcément. Mais pas forcément. Et si, par exemple, on envisage, non pas l'histoire de Marie Shelley, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la post-humanité, c'est-à-dire le fait de finalement corriger l'espèce humaine, de la débarrasser de tous les problèmes liés à la matérialité de nos corps, par exemple. Est-ce que pour vous, ce serait équivalent à une fabrication de monstres? Bon, on n'est sans doute pas très loin de... En visant la perfection, de créer de la monstruosité. Absolument, parce que en voulant se débarrasser de tout ce qui est anormalité, c'est-à-dire de vouloir quelque chose de très calibré, oui, on risque éthiquement, moralement, de sombrer dans une monstruosité. Et notamment, on voit déjà que ça peut se faire avec des manipulations génétiques. Donc ça, c'est intéressant, c'est que cette monstruosité qui apparaît, monstruosité morale qui apparaît avec le livre de Marie Shelley, c'est aussi l'inquiétude que tout à coup on peut avoir à l'égard de la science. C'est-à-dire que la science, et dans le domaine du progrès, va toujours améliorer nos vies, la compréhension du monde. Et là, on s'aperçoit que il y a peut-être quelque chose qui... c'est plus un raté de la nature, mais un raté... De l'expérience. Oui, exactement. Et donc ça aussi, on a toujours cette petite inquiétude à l'égard des sciences. De basculement, oui, au début du 19e siècle. Oui, c'est ça. C'est 1818, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est exactement. Tout début du 19e siècle. Bah, à un moment où on a des expériences, ce qu'on appelait le galvanisme, où on mettait de l'électricité notamment dans des grenouilles mortes, et on s'apercevait qu'elles pouvaient bouger. Et on a considéré à un moment donné que l'électricité pouvait être une sorte de flux vital qui pourrait redonner vie à des chairs mortes, d'où le livre de Marie Shelley. Mais on a eu cette inquiétude bien après le 19e siècle avec d'autres scientifiques, notamment quand on a parlé de la bombe atomique, c'est-à-dire les physiciens sont des gens qui peuvent détruire le monde. Maintenant, je dirais que ça passe, on serait plutôt, l'inquiétude irait vers la génétique, ce que vous disiez, l'homme augmenté. Qui échapperait complètement à sa nature et deviendrait un objet, voilà, avec lequel nos relations empathiques seraient aléatoires. Absolument. Alors, il y a des questions théologiques qui se posent aussi au Moyen-Âge, notamment. On connaît des personnages à deux têtes, et on se pose la question de savoir s'ils ont deux âmes. Oui, mais alors vous dites que c'est un vrai casse-tête d'ailleurs. Oui, c'est un vrai casse-tête parce que le droit et le droit canonique s'est intéressé très tôt à ces problèmes de monstres parce qu'il fallait bien quand même trancher, si j'ose dire. Et on a au XVIIe siècle, il y a eu un cas de siamois. Donc aujourd'hui, ces siamois on serait sans doute séparés parce que la chirurgie a fait des progrès. Et ces siamois, l'un des deux a été meurtrier, a tué quelqu'un. Et la question s'est posée, donc jugement, et il est condamné à mort, bien évidemment. Mais on s'est dit, si on en tue un, l'autre n'a rien fait, comment trancher, c'est le cas de le dire. Et finalement, le tribunal a décidé d'acquitter, ils s'appelaient les siamois du Cornet, et ils en ont profité d'ailleurs pour d'acquitter l'ensemble. Et donc ils en ont même profité pour faire une tournée européenne pour raconter leur histoire. Incroyable. Il y a aussi un lien que vous expliquez très bien dans votre livre, Laurent Lemire, entre monstruosité et sorcellerie. Alors c'est un lien à quel ressort? C'est l'idée que la monstruosité, la production de monstres est liée au diable. Et donc avec un contrat qu'on aurait passé avec Satan. Parce que jusqu'alors, on considérait que seul Dieu pouvait créer des monstres pour alerter, avertir ou punir les hommes. Petit à petit, on a aussi bien considéré que le diable pouvait aussi créer des monstres, et pour cela par l'intermédiaire de sorciers. Donc c'est là le lien qui se fait entre le. Il y en a quand même beaucoup qui sont allés au bûcher pour cette accusation. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il était assez facile d'envoyer quelqu'un au bûcher en le qualifiant de sorcier. Là aussi, la production d'êtres anormaux était condamnée par la plupart des tribunaux. Mais si on reprend dans l'Antiquité, ne serait-ce qu'à Sparte, certains enfants qui étaient difformes étaient supprimés. On considérait qu'ils étaient nuisibles au bon déroulement de la société et de la République. Donc c'était cette anormalité-là, on n'en voulait pas. Alors il peut aussi y avoir, vous en parlez très bien à propos du film de Hitchcock, Les oiseaux, une monstruosité qui ne provient pas d'individus monstrueux, mais d'un effet de foule. En l'occurrence, les oiseaux, oui, individuellement, ne sont pas des monstres, mais quand ils sont très nombreux et encerclent une ville, ça produit un effet monstrueux. Oui, c'est toujours l'idée de la grandeur ou de la multiplication. On a exactement le même phénomène dans des films d'horreur où on voit des fourmis. Une fourmi, ça n'inquiète personne, mais si vous en avez un milliard et qui viennent vers vous, oui, ça devient monstrueux. Donc la multiplication. Et on a ça aussi avec les foules. D'une certaine manière, au 19e siècle, on a commencé à ce que c'est là qu'apparaissent des grands mouvements de foule, et on s'est demandé comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que la multiplication d'individus n'est pas l'addition d'individus. Ça donne naissance à quelque chose d'autre. La foule. Il y a l'ouvrage de Gustave Le Bon, voilà. La psychologie des foules au début du XXe siècle. Oui. Alors le personnage peut être un peu contestable pour d'autres. C'était un polygraphe. Polygraphe. Il a écrit sur l'énergie. Voilà. Il a revendiqué la formule égale MC2. Oui. Il a écrit un traité d'équitation. Oui. Oui. Il a écrit sur tous les sujets. Il a beaucoup écrit, mais il a fait avancer un peu notamment dans la psychologie des foules. Il a au moins essayer de comprendre comment se passait le passage de l'individu, la multiplication d'individus à quelque chose d'autre qui est la foule, et comment cette foule devenait d'une certaine manière incontrôlable, et que les individus eux-mêmes ne se comportaient pas de la même manière dans une foule que individuellement dans la vie courante. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, vous parlez aussi, Laurent Lemire, des monstres de foire. Il y a toute une histoire. Ah oui. Et vous parlez notamment d'un personnage dont le nom était Petit Pépin. Oui. Qui a une destinée incroyable. Il est mort à 61 ans, oui. Alors que sa taille était de 68 centimètres. Il n'avait pas de bras. Pas de... Et il était ce qu'on appelle phocomèle, c'est-à-dire qu'il avait les membres inférieurs et supérieurs réduits. Alors c'était un Vénitien qui s'est montré dans toutes les cours d'Europe. Il était malgré tout assez agile. On lui prête de nombreuses liaisons amoureuses. Visiblement, il était très énergique. Quelqu'un dit de lui qu'il était d'une grande virilité, animé d'une grande ardeur. Il a ruiné quelques maîtresses royales et quelques fermiers généraux au goût particulier. Ça en dit long. Oui, absolument, ça en dit long. Et c'est un personnage qui est passé alors à la postérité parce que il s'est fait connaître dans la plupart des cours européennes. Et surtout, on a conservé dans un musée qui, hélas, n'existe plus, à Paris, le musée Dupuytren. Maintenant, les collections sont dans les caves de Jussieu. Et donc, dans ce musée qui était près de l'école de médecine à Paris, on pouvait voir le moulage du squelette de Petit Pépin. Et ça donnait quoi alors ? Ah ben vous voyez, c'était 68 centimètres, personnage extrêmement. Alors il avait la tête, mais les membres effectivement réduits. Vous dites qu'il était phocomèle, ce qui veut dire qu'il ressemble à un phoque. C'est ça. C'est-à-dire les membres inférieurs et supérieurs réduits. Et comment ça vous expliquez les ressorts psychologiques qui font qu'on va voir les monstres dans les foires, par exemple ? C'était une pratique très très longue, alors, très ancienne. Très ancienne, qui a commencé au... C'est pour se soulager de ne pas en être. Quel est le ressort psychologique qui fait qu'on y va ? Il y a un peu de ça, c'est pour voir aussi des phénomènes extraordinaires, parce que le monstre, par définition, est rare. Donc le fait d'en voir, c'est déjà une sorte de privilège pour pas mal de gens qui s'y rendaient. Il y avait aussi l'envie sans doute de se faire peur un peu, parce que on joue un peu sur le registre de l'effroi. Et vous avez raison, vous le rappeliez, il y a aussi la manière de se rassurer, de se dire « Ouf, moi, je ne suis pas comme ça. » Alors c'est... Il y a cette phrase de Valérie que vous mettez en exergue de l'un de vos chapitres, et à vrai dire, je ne comprends pas le sens, et vous allez certainement me l'expliquer. Okay. Valérie écrit « Le complément d'un monstre, c'est un cerveau d'enfant. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Le complément d'un monstre, c'est un cerveau d'enfant. Oui, c'est assez... J'ai pas compris le message. C'est assez sibyllin. Mais c'est l'idée que le cerveau, sans doute le cerveau d'enfant qui est encore pas dans l'origine, mais il est dans... La formation. Oui, c'est ça. Il est dans la formation et il est encore pas pureté, mais il est pas encore passé par toutes les strates de l'éducation, de la culture. Donc il y a peut-être un peu de ça. Le complément du monstre serait une sorte de virginité cérébrale. Mais ça veut dire qu'on découvre petit à petit, en évoluant, en devenant mature, qu'on est soi-même un monstre d'une certaine façon. C'est ça l'idée ? C'est un peu ce qu'a tenté de nous expliquer la psychanalyse, qu'il y avait quand même dans notre inconscient des éléments un peu perturbants qu'on essaye de rejeter, mais qu'il est peut-être bon d'observer, et qu'effectivement derrière tout inconscient, oui, il y a peut-être une part de monstruosité, et que l'un des éléments de cette monstruosité, ça peut être le miroir. Il suffit quelquefois de se regarder et de se dire que bon. J'ai l'impression, après avoir lu votre livre, Laurent Lemire, que c'est cette idée-là qui vous intéresse. Ah oui, oui, oui. C'est que le monstrueux se cache dans ce qui apparaît normal. Et avant la psychanalyse, il y a eu Montaigne, que vous citez d'ailleurs, oui, qui dit ceci. Je n'ai vu monstre et miracle au monde plus exprès que moi-même. On s'apprivoise à toute étrangeté par l'usage du temps. Mais plus je me hante et me connais, plus ma difformité m'étonne, moins je m'entends en moi. Oui. C'est comme si découvrais. C'est admirable. Et c'est d'autant plus étonnant et fort dans l'idée de ce que défend Montaigne, c'est qu'il écrit ça à un moment, lui, où il croit à toutes ces créatures absurdes, malgré tout, que certains auraient de longues oreilles, des pieds uniques, etc. Donc, il met ça de côté, il dit que c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le monstre normal. Qui est en moi, le monstre normal. Le monstre banal qui est en chacun de nous. Et à partir de quand est-ce que les scientifiques se sont intéressés aux monstres ? À partir de quand est née la tératologie ? Alors la tératologie, elle intervient au XIXe siècle, c'est-à-dire Geoffroy Saint-Hilaire met de côté toutes ces ce qu'il considérait comme des balivernes, c'est-à-dire toutes ces peuplades qui n'ont jamais existé, que personne n'avait jamais vu et qu'on commentait à l'envi. Il dit c'est pas le problème. Il y a en revanche des êtres qui naissent de manière anormale, c'est-à-dire privé de membres, avec un seul œil, avec des anencéphales, avec un cerveau manquant, et que ça devrait pouvoir être classé, on devrait pouvoir essayer de comprendre ces phénomènes-là. Donc, on commence à s'intéresser à cette anormalité-là, à disséquer ces personnes à leur mort pour comprendre comment se produit la monstruosité. Alors, cette tératologie, elle est encore liée à l'idée de monstre. On va avoir, après la Seconde Guerre mondiale, Étienne Wolff, on va passer à la tératologie expérimentale. C'est-à-dire que lui va vraiment faire un classement. C'est-à-dire la monstruosité, pour lui, ça va du bec de lièvre au cyclope ou à la personne privée de membres. Donc c'est un éventail très très large. Et puis, on ne parlera plus de tératologie, c'est-à-dire d'étude des monstres. Aujourd'hui, on parle d'embryologie. Embryologie expérimentale, c'est par exemple Nicole Ledouarin qui était élève d'Étienne Wolff, où elle continue à produire en laboratoire des monstres, mais alors ce sont ce ne sont pas des créatures, ce sont des petits éléments, alors qu'il y a des éléments caille-poulet, etc., qui sont des hybrides, et c'est destiné non pas à être Frankenstein, des chimères, mais à comprendre le développement du vivant, et à savoir comment on peut éviter justement ces ratés de la nature, et comment cette anormalité se produit dans le développement de l'embryon. Mais c'est en même temps l'idée qu'il n'y a pas de raté, parce que les monstres sont produits grâce aux lois de la nature. Absolument. Et donc en étudiant les monstres, on comprend mieux les lois de la nature. C'est exactement ça. Il y a beaucoup d'Étienne. C'est le mystère du vivant, c'est ça qui transparaît derrière l'idée de monstre. C'est comment certains enfants naissent difformes. Il y a beaucoup d'Étienne dans cette histoire. Il y a Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne Wolff. Mais j'ai appris en vous lisant que Étienne Geoffroy Saint-Hilaire a eu un fils, Isidore, qui a prolongé les travaux de son père. Il a écrit l'histoire des anomalies de l'organisation, dans lequel on trouve cette phrase célèbre. Il n'y a pas d'exception aux lois de la nature, il y a des exceptions aux lois des naturalistes. Ça veut dire que les lois de nature sont impossibles à violer, par contre on peut se tromper à leur sujet. Absolument, mais c'est valable pour d'autres domaines scientifiques à mon avis. Cette formule. Vous êtes sûr ? On parlait de science, Laurent Lemire, et il y a la question de savoir à partir de quel seuil, lorsqu'il est dépassé, on devient un monstre. Et vous citez Georges Canguilhem qui dit ceci, « En présence d'un oiseau à trois pattes, faut-il être plus sensible à ceci que c'est une de trop, ou à cela que ce n'est guère qu'une de plus ?» Oui, il montre là que l'interrogation qu'on peut avoir par rapport à des créatures qui nous semblent anormales et quelle est la réaction qu'on peut avoir par rapport à cette altérité-là. Mais le rôle du scientifique, c'est de fixer la norme et d'être une sorte de conservateur de la normalité. Oui. Ou bien, ce qu'au contraire, il doit ouvrir les esprits en montrant que toutes sortes d'anomalies, entre guillemets, sont possibles et tout aussi naturelles que ce qui n'est pas anormal. Oui, parce que si on considère qu'on va aller vers une normalisation, on va poser des normes, on se prive automatiquement de la surprise que peut nous donner une expérience, la nature. Donc c'est la manière dont on regarde un peu les choses qui nous viennent. Et Canguilhem expliquait bien que même si lui considérait que c'était des ratés de la nature, mais que ces ratés-là devaient nous apprendre pas mal de choses sur la nature elle-même. Et il rappelait que de toute manière, les monstres étaient des créatures rares, rarissimes, et qu'on en voyait très peu dans sa vie, heureusement d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que le mot serait péjoratif, mais on parle plus de monstres, si ce n'est de monstres moraux, mais les monstres physiques n'existent plus, on parlerait de handicap. Parce que, on parlait tout à l'heure des créatures, des monstres que l'on exhibait dans les foires, c'était de l'esclavage, c'était épouvantable. Ces gens ne vivaient pas vieux. On les réduisait à leur diagnostic. Absolument. Et puis, on les réduisait à leur diagnostic et surtout, on ne faisait rien pour améliorer leur sort. Surtout pas, puisqu'on gagnait de l'argent sur cette monstruosité-là. Et le fait de les montrer, même, les rendait monstres. La monstration rend monstre. On a vu ça aussi avec la Vénus hottentote, où on montrait cette femme, on exhibait cette femme qui avait des fesses un peu volumineuses comme étant une créature. Et on s'aperçoit que c'est positif, c'est absolument abominable. Donc tout ça a un peu, heureusement changé. Et la prise en compte de cela est arrivée au moment du film de Todd Browning, Les Freaks, qui sont des véritables, aujourd'hui on dirait, handicapés. Et il y a eu cette prise de conscience que ces gens étaient des êtres humains et souffraient. Et il y avait une formule de cet homme tronc qui s'appelait Johnny Eck, qui disait « Mais moi, quand je veux voir des monstres, je regarde par la fenêtre. » Ça nous renvoyait à notre propre monstruosité dont parlait Montaigne. Mais le moment est venu d'écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Laurent Lemire. Laurent Lemire, quel est ce morceau que je n'ai pas reconnu ? C'est un morceau de Prokofiev, lieutenant Lié, qui, en fait, j'ai choisi ce morceau parce que j'aime beaucoup la musique de Prokofiev, qui est un grand compositeur. Alors ça, c'est une musique qui est une musique de film, mais si vous tapez sur Internet lieutenant Lié, vous verrez, notamment c'est le premier morceau, ça va vous rappeler quelque chose, parce que c'est exactement la musique de Russians de Sting. Et ce que j'aime bien, c'est ce passage entre la musique classique, la musique pop. Et on voit très bien qu'il y a une sorte d'univers commun qui est la musique, et que aussi bien on peut trouver à juste titre les Rolling Stones totalement géniaux, comme Jean-Sébastien Bach, et qu'on a toujours eu des chemins de traverse, notamment entre Bach et le jazz, par exemple. Alors, avant d'écouter ce morceau, on a dit que le monstre est passé du registre du physique au registre moral, et vous consacrez un long chapitre au monstre criminel. Depuis quand est-ce qu'on associe le mot monstre au mot criminel, comme je le rappelais dans la petite introduction de tout à l'heure ? On a commencé à ça au moment de la, je dirais, de la psychiatrisation généralisée de la société au 19e siècle, c'est ce que montre bien Foucault. Quand on a commencé à la fois à dire il y a des fous, il y a des monstres, et il y a des monstres effectivement qui sont des monstres criminels, parce que Gilles de Rais, qui pourrait être un ancêtre des serial killers, est considéré aujourd'hui comme un monstre criminel, mais à l'époque c'était très contesté. Les chroniqueurs ont rapporté le procès de Gilles de Rais. Sur les 200 enfants, on n'est pas sûr, il y a beaucoup sans doute de mythes, mais en tout cas on est sûr qu'il en a tué quand même beaucoup. Il en a tué beaucoup. Donc c'est un personnage qui, mais on parlerait pas de monstre criminel, alors qu'aujourd'hui, oui, il est classé comme monstre criminel. Et donc à partir du 19e siècle, on commence à s'intéresser à ce qui crée ce genre d'individu qui tue. Alors, pour quelle raison? Et il y a pas mal de cas qui sont évoqués jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme dans la monstruosité criminelle, il y a à la fois le nombre et puis il y a aussi la méthode. La méthode et puis celui qui le fait. Il y a eu un cas en 68 en Angleterre, une Mary Bell qui tue deux enfants de 3 et 4 ans. Et elle avait 11 ans. Voilà. Alors là, ça interroge vraiment. Parce qu'on se dit, à 11 ans, comment peut-on commettre de tels actes? Et je crois qu'elle a fait de la prison. Elle a fait de la prison, absolument. Elle en est sortie. On a écrit un livre un peu sur cette histoire. Je crois qu'elle a refait elle a refait un peu sa vie. Il y a d'autres personnages comme ça je crois que c'était dans 93, toujours en Angleterre, en 1993. Un enfant de 2 ans est tué et torturé. Et les deux coupables avaient 10 ans. Donc là aussi, on se pose des tas de questions sur le pourquoi. Et c'est là que ce monstrueux, on se dit, mais pourquoi? Alors est-ce que c'est la société qui elle-même permet ce genre de choses? Est-ce que c'est un manque d'éducation? Est-ce que c'est un... Michel Foucault, vous l'avez rappelé, oui, identifié ce moment où on a situé l'anormalité mentale dans un rapport non défini, dit-il, avec l'infraction. Le fait d'être anormal est une sorte d'infraction, une sorte de corrélation assez bizarre. Oui. On enferme les fous, etc. Est-ce que le monstrueux a à voir avec le délit? La personne qui va présenter un aspect physique ou moral extrêmement anormal, hors norme, va plus facilement être crédité d'actes criminels ou autres. C'est-à-dire que c'est la même chose pour les fous au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on considérait que le fou était quelqu'un qui pouvait devenir dangereux pour la société. Et là, dans l'histoire du monstrueux, il y a l'aspect physique qui joue beaucoup. C'est le rapport au corps. C'est-à-dire que la différence qu'on peut voir en l'autre va nous interpeller, va nous inquiéter. On va se dire, oulala, cette personne-là, elle est capable de commettre des actes épouvantables. Aujourd'hui, on serait plus dans ce registre-là. Mais au 19e siècle, oui, on y croyait. Et Foucault l'a bien démontré. Il y a un chapitre dans votre livre, Laurent Lemire, livre qui s'intitule Monstres et monstruosité, un chapitre intitulé Les monstres terroristes. Et vous dites que ce qui les caractérise et qu'on ne rappelle pas assez, c'est d'abord la haine. Oui, parce que moi j'ai cherché, comme vous le disiez, par catégorie. Je me suis dit, bon, aujourd'hui on parle beaucoup de monstres terroristes, et je me suis dit, bon, mais ça vient d'où cette idée-là, cette expression? Et effectivement, en remontant dans le temps, c'est-à-dire que ça commence avec la secte des Achichins, etc. Des assassins. Voilà, on retrouve ça dans la mythologie, mais pas que la mythologie, dans le nordique, c'est-à-dire qu'il y a des guerriers qu'on appelait des berserks, qui étaient des gens dopés à la haine justement, et avec le besoin de tuer beaucoup de gens en très peu de temps. Le même phénomène en Indonésie avec les hamocs, c'est-à-dire que des guerriers, des gens qui rentrent un peu en transe, vont commettre de multiples crimes. Donc effectivement, ce qui caractérise la monstruosité terroriste, c'est d'abord la haine extrême, intense de l'autre. Alors cette haine, elle peut être dopée par la religion, l'idéologie... Et quelquefois même des stupéfiants, parce qu'il y a aussi... Andras Lubitz, le pilote allemand qui a projeté son avion avec plus de 100 passagers sur le flanc d'une montagne, vous dites que c'était un pilote amok. Oui, c'est comme ça même qu'il a été désigné dans la presse allemande. C'est-à-dire justement avec cette référence à ces monstres terroristes indonésiens. Parce que... Lubitz, finalement, il ne prend absolument pas conscience. Alors, il a une haine peut-être de lui, puisqu'il se suicide, mais il a surtout une haine de tous ses passagers. Qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, la haine qu'il a préexiste à l'objet de sa haine. Absolument. Mais Jean-Pierre Dupuis, que je recevais il y a quelques semaines à ce même micro, expliquait le terrorisme plutôt par la jalousie que par la haine, en disant, finalement, la jalousie échappe au triangle girardien, qui décrit bien l'envie... le désir, on a envie d'une voiture parce que son voisin a cette voiture ou désire cette voiture, donc le désir est toujours mimétique et met en jeu un triangle. Alors qu'il disait que la jalousie, elle, met en jeu plutôt un cercle dont on est exclu, on est un point à l'extérieur du cercle et on sait que le cercle ne nous acceptera jamais et on préfère le détruire plutôt que de cohabiter avec lui. Est-ce que la jalousie et la haine n'auraient pas un lien secret par ce mécanisme-là? Ce sont deux passions tristes, c'est le moins qu'on puisse dire, comme disait Spinoza. Donc oui, il y a sans doute des corrélations. Maintenant, je pense qu'il y a aussi l'endoctrinement, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui de religion à travers les terroristes, à juste titre, mais on a connu... Alors, est-ce que ça relève de la jalousie? On a connu des moments terroristes importants au XIXe siècle avec les anarchistes. On a connu les Brigades Rouges en Italie, donc où on avait aussi des gens qui posaient des bombes. Est-ce que c'est de la jalousie vis-à-vis d'un système duquel on se sent exclu? C'est-à-dire, en gros, le système capitaliste qu'on veut détruire, et pour cela, on va tuer des innocents. Ou est-ce que c'est quand même la haine profonde de ce système qui nous pousse à le détruire. Mais vous parlez des Brigades Rouges, en même temps il y a eu la bande Abadeur et Ulrike Meinhof en Allemagne. Bien sûr. Et vous parlez d'Anselm Kiefer qu'on a reçu ici aussi, qui a voulu illustrer cette bouffée terroriste allemande dans une œuvre produite en 2015 qu'il appelle Pour Madame de Stahl. Et il la représente par un lit d'hôpital sur lequel est écrit le nom de Ulrike Meinhof. Et dit que c'est une des conséquences de l'excès de romantisme du 19e siècle. Le romantisme poussé à l'excès, transcendé par la volonté d'être une sorte de héros et d'aller au bout de ses convictions pour changer le cours de l'histoire, pourrait conduire à des actions terroristes. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Il y a aussi des monstres économiques, ça m'a beaucoup surpris, leur consacrer un chapitre. Oui, parce qu'on en parle, il y a eu des ouvrages qui ont évoqué la monstruosité économique. Là aussi, c'est l'idée que... L'horreur économique de Vivian Forrester, absolument. Par exemple. Et c'est que l'économie fonctionne selon un système qui engendre des situations monstrueuses. C'est ça. Et des situations qui détruisent des vies, c'est aussi la destruction du travail, l'augmentation de la pauvreté, etc. Donc c'est l'idée qu'un système grandit à un point tel qu'il n'est plus contrôlable. Alors là aussi, sans doute, comme à l'origine, le monstre nous montrait quelque chose, il serait intéressant de se poser la question de ce que nous montre ce système économique qui fonctionne un peu, non pas en roue libre, mais qui s'auto-alimente. Keynes, par exemple, jugeait le système capitaliste comme étant en passe de devenir monstrueux. Il parle d'un désir morbide de liquidité pour qualifier le rôle des banques. Oui. Et il écrit un ouvrage en 1933, L'autosuffisance nationale, dans lequel il écrit ceci, le capitalisme décadent, international mais individualiste, entre les mains duquel nous nous sommes retrouvés après la guerre n'est pas un succès. Il n'est pas intelligent, il n'est pas beau, il n'est pas juste, il n'est pas vertueux et il ne livre pas la marchandise. En bref, nous ne l'aimons pas et nous commençons à le mépriser. Donc dès 1933, il a conscience que... Que le système s'emballe complètement et que le capitalisme tel que lui pouvait l'envisager, Keynes, ne devait pas produire ce genre de méfaits et de déstructuration dans les sociétés, parce que lui considérait que le capitalisme devait nous amener à moins travailler pour pouvoir profiter de la vie. C'était un homme très cultivé, et de ses amis, et d'aller de lire, d'aller dans les musées, aller au cinéma, etc. Donc c'était pas du... Il voyait très bien qu'on partait vers tout à fait autre chose. Et il écrit ça dans les années 30, on voit qu'il Mais il dit que c'est la première guerre mondiale qui a provoqué ce basculement. Oui. Or, avant la première guerre mondiale, Peggy avait dit la même chose dans L'Argent. Il dit, pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est maître sans limitation ni mesure. Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul en face de l'esprit. Oui, et l'argent devient quelque chose de monstrueux parce qu'il prend une dimension tellement importante qu'elle n'est plus contrôlable, elle nous effraie. Et face à ça, on a effectivement l'esprit et le pouvoir de l'esprit face à un tel mécanisme. C'est un peu David contre Goliath. Oui, je relis Peggy. Et jamais l'argent n'a été à ce point le seul maître et le seul dieu. Et jamais le riche n'a été aussi couvert contre le pauvre et le pauvre aussi découvert contre le riche. Oui, c'est une belle... 1913. Oui, c'est une jolie formule. Mais on n'a pas l'impression qu'à l'époque, l'argent donnait autant de moyens que ceux qu'il donne aujourd'hui pour la santé, pour le confort. Donc c'est étonnant d'avoir eu cette prescience. Prescience à une époque où on était quand même relativement égaux face à la maladie, puisque la médecine était relativement impuissante. Oui. Mais ça prouve que Peggy avait bien senti les choses et qu'aujourd'hui l'inégalité face à la maladie elle existe encore, hélas, notamment dans pas mal de pays. Les monstres sacrés auxquels vous consacrez un chapitre. Alors oui. Aujourd'hui, monstres sacrés, ça veut dire acteurs d'une dimension colossale, etc. Mais vous rappelez qu'il y en a eu chez les Gaulois. Oui, parce que c'était des divinités qui étaient vénérées par les Gaulois, qui étaient donc des monstres bénéfiques auxquels on se référait. Il y en avait de trois sortes. Le taureau à trois cornes, le sanglier géant et le serpent à tête de bélier. Oui, qu'on retrouve, oui, voilà. Alors, ce sont des animaux des chimériques, parce que qui sont polymorphes. Mais qu'on retrouve qui étaient vraiment vénérés, qu'on retrouve sur des pièces de monnaie. Absolument, et qui étaient bénéfiques. Alors après, le terme de monstre sacré, c'est effectivement, vous le disiez, ce sont les acteurs, c'est Cocteau qui a créé ce terme. Et dans une pièce de théâtre, avec l'idée, encore une fois, que l'acteur, prenez l'exemple de Sarah Bernhardt, l'acteur extraordinaire sur scène est quelqu'un qui se dépasse, qui se grandit et qui devient, par son talent presque plus qu'impressionnant, devient monstrueux. C'est-à-dire qu'il nous interpelle, il nous envoie quelque chose, il nous envoie un signal, et que ces monstres-là, il faut aussi les vénérer. Aujourd'hui, on dit star. Star. Mais ça n'a pas le même sens. On dirait star. Mais toutes les stars d'aujourd'hui ne sont pas des monstres sacrés. Donc dans la dimension de monstres sacrés, il y a quelque chose de supplémentaire. Ah oui, complètement. Avec l'idée justement du dépassement et de l'anormalité. C'est-à-dire tellement de talent, c'est anormal. C'est un peu comme le génie. Alors il y a une série d'œuvres de Goya, le peintre Goya, qui s'intitule « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une série de gravures. Eh ben, c'est que quand on met de côté justement le raisonnement, et peut-être le sommeil de la raison, quand on laisse endormir sa sagacité face à ce qui nous entoure, on peut laisser entrer en nous des rêves, des chimères. Et c'est un peu l'idée finalement avant bien avant Freud que on peut être perturbé par des choses qui nous arrivent, qu'on ne contrôle pas et qui peuvent être un peu inquiétantes. Mais le sommeil de la raison engendre des monstres, mais l'excès de raison peut être également monstrueux. Il y a des monstres politiques qui se sont appuyés sur des rationalités excessives, trop prolongées, trop radicales. Oui, bien sûr, puisque la raison poussée à l'extrême est complètement destructrice, parce que si on veut un système politique qui va être parfait, on l'a bien vu dans les dérapage de la révolution après les grandes idées humanistes, la terreur intervient parce que le système lui-même s'emballe et on finit par ne plus prendre en considération les morts et le sang qui coule pour continuer à maintenir un système qui sur le papier ou dans l'idée est raisonnable, voire parfait. Donc c'est ce qu'il faut dans le réel pour que ce qui est sur le papier finisse par être vrai. Oui, c'est absolument ça. On persiste. Alors vous dites, c'est votre conclusion d'ailleurs, que le monstre c'est une gifle donnée au sens commun. Est-ce qu'on pourrait pas dire donc que le monstre est, pour ce que vous dites là, l'équivalent du paradoxe pour la logique, c'est-à-dire une sorte de provocation qui oblige à repenser la logique en l'occurrence, ou la situation humaine pour nous? Oui, totalement, vous avez raison, il y a de ça, c'est que c'est le paradoxe ou l'extraordinaire qui intervient dans l'ordinaire, et cet extraordinaire nous oblige à reconsidérer un peu notre ordinaire. Et donc c'est à mon avis ce signe-là qu'aujourd'hui nous envoie entre guillemets les monstres, mais je dirais plus les monstres moraux. On parlera plus aujourd'hui de ces personnages qui étaient exhibés dans les foires. Aujourd'hui, la monstruosité, elle est plus tellement, même s'il y a encore des enfants qui naissent anormaux, souvent c'est la conséquence de produits chimiques, etc., qui des structures et le métabolisme et l'embryon. Mais bon, ça, il y a des tas d'études qui ont été faites. On sait que la thalidomide, il y a eu des enfants qui sont nés justement phocomèles, etc., sans bras, sans jambes, avec des conséquences épouvantables pour la mère. Mais là, on n'accuse plus du tout, comme au Moyen-Âge, la mère de ces naissances-là. La monstruosité aujourd'hui, donc, elle est essentiellement d'ordre, moral, politique, sociale, c'est-à-dire qu'on est plus dans au sens figuré, oui. Mais est-ce que vous pensez que la psychiatrie ou d'une façon plus générale les neurosciences permettront de comprendre scientifiquement ce qui provoque ces comportements monstrueux? Ou est-ce qu'en qualifiant ces choses de monstrueuses, on les laisse à côté du champ de l'intelligibilité? On les maintient dans une zone que vous qualifiez d'inclassable, ouais, c'est-à-dire on n'essaie pas de comprendre, on classe. Non, moi je pense que les neurosciences essayent de se saisir de ça, mais on est encore tout au début de ces investigations, parce que le plus dangereux, ça serait justement ce que vous dites. Ce que vous dénoncez, c'est de les mettre de côté, de dire bah voilà, c'est monstrueux, donc on n'en parle pas, c'est-à-dire que on les classe quelque part hors champ, hors société, et on se dit bon, ce ne sont que des anormalités, des ratés, des choses dont on peut finalement ne pas prendre en compte. Merci Laurent Lemire d'être venu nous expliquer ce que montrent les monstres. Je recommande la lecture de votre livre Monstres et monstruosité. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pierre Faucillon et à la réalisation François Connac. Oh, Tout de suite, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.